Jean Bosco, Douiman. Bonsoir et merci d'être avec nous dans ce journal, la dernière édition de ce 6 septembre 2017. Et voici tout de suite le grand des articulations. La prochaine session de dialogue inter-burundais d'Arusha se tient encore au mois d'octobre prochain. Cette annonce de l'assistant personnel du facilitateur Benjamin Mkapa intervient après une rencontre ce mardi entre ce dernier et le médiateur national Edouard Douiman. La coalition Amizero ya Barundi ne soutient pas l'idée du ministère de l'Intérieur de proposer une loi qui obligerait les Burundais à contribuer pour les élections de 2020. Pour Agathon Rwasa, également premier vice-président de l'Assemblée nationale, si la nécessité se fait sentir, le gouvernement devrait rehausser l'enveloppe réservée aux élections dans le budget de 2018. Le gouvernement burundais devrait laisser les experts des Nations Unies mener leurs enquêtes sur la situation des droits de l'homme pour éviter des désaccords avec ces derniers, puisque dans tous les cas, la Cour pénale internationale peut être saisie pour qu'elle mène aussi ses enquêtes. Vous entendrez les éclairages d'un spécialiste en droit pénal international. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La prochaine session de dialogue d'Arusha est prévue au mois d'octobre prochain. Ce rendez-vous est annoncé par l'assistant personnel du facilitateur Benjamin Mkapa. Makocha Tembele fait cette annonce après une rencontre ce mardi entre le facilitateur Mkapa et l'ombudsman burundais Edouard Douimana. On fait le point avec Joseph Sabiyabandi. L'assistant personnel du facilitateur Benjamin Mkapa, qui annonce ce rendez-vous du mois d'octobre, n'en précise ni la date exacte du début, ni les participants dans cette session. Makocha Tembele indique qu'il est encore tôt pour le faire. Il ajoute que toutes ces précisions seront communiquées très prochainement. L'annonce de cette nouvelle session du dialogue d'Arusha est faite après une rencontre de ce mardi entre le facilitateur Benjamin Mkapa et l'ombudsman burundais Edouard Nduwimana. Sur son compte Twitter, Gervais Abayeho, ambassadeur du Burundi en Tanzanie, a publié que les deux personnalités ont échangé sur la façon d'accélérer le dialogue extérieur. La rencontre entre Benjamin Mkapa et Edouard Nduwimana intervient après celle de Helsinki en Finlande en début du mois d'août où l'ombudsman burundais a rencontré les politiciens burundais en exil. Après celle-ci, entre le 14 et le 19 du même mois d'août, une équipe de la facilitation est venue au Burundi pour rencontrer les autorités étatiques. Les résultats des deux rencontres sont jusqu'à aujourd'hui tenus secrets. Merci Joseph Sabiyabandi. Sachez que l'ombudsman burundais Edouard Nduwimana rentre ce soir de Tanzanie où il a rencontré justement le facilitateur Benjamin Mkapa. Le gouvernement burundais devrait laisser les experts des Nations Unies mener leurs enquêtes sur la situation des droits de l'homme pour éviter des désaccords avec ces derniers. L'avis est de maître Jacques Bitababagé, professeur de droit international, après que le gouvernement ait rejeté en bloc le contenu du rapport des experts de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Ce juriste dit que la Cour pénale internationale pourrait être saisie pour qu'elle mène aussi ses enquêtes. Dans tout cela, il dit que c'est le citoyen burundais qui en subit les conséquences. Suivez. J'ai appris que les experts des Nations Unies n'avaient pas eu l'autorisation de fouiller le sol burundais. C'est très dommage parce que il aurait été plus facile que toutes les deux parties auraient gagné que les experts des Nations Unies soient sur terrain pour que le rapport puisse refléter les enquêtes menées sur place. Ce qui va suivre par exemple, n'oubliez pas que ces experts des Nations Unies, ils ont rendu leur rapport. Il y a un scénario possible, c'est que ces rapports, tôt ou tard, vont tomber sur la table du Conseil de sécurité. Et suivant la saisine de la Cour pénale internationale, si l'État ne veut pas ou ne peut pas juger les personnes qui sont présumées auteurs des crimes contre l'humanité, quand bien même vous ne seriez pas membre, il y a une procédure de saisine. Quand le Conseil de sécurité a des informations comme quoi dans un pays X, il y a des violations massives des droits de l'homme, il va demander au procureur de la CPI de se saisir directement de cette situation. Et dans ce cas, le procureur n'a pas d'autre choix que de commencer des enquêtes. Mais il y a une manière de contourner ce Conseil de sécurité parce qu'il y a un certain nombre de pays membres permanents qui sont toujours du côté du Burundi. Oui, je pense que vous parlez de la Chine, de la Russie, ce sont, et aussi de l'Algérie. Alors, d'abord, il faut jouer aussi sur le nombre. Alors, il y a 5 membres permanents qui ont le droit de veto. À côté de ces 5 membres permanents, il y a aussi 21, donc ça va être 16 membres non permanents. En principe, d'abord, dans tous les systèmes des Nations Unies, on ne privilégie pas le vote, on privilégie le consensus. Et même ces pays que vous dites, qui de temps en temps, on voit bien qu'ils soutiennent le Burundi, c'est parce que ça dépend de quel sujet. C'était Maître Jacques Witawawaje, professeur de droit international au micro d'Aubin Niyonkuru. La coalition Amizero ya Barundi ne soutient pas l'idée du ministère de l'Intérieur de faire une loi qui obligerait les Burundais à contribuer pour les élections de 2020. Selon Agathon Rwasa, président de cette coalition et premier vice-président de l'Assemblée nationale, le contexte de pauvreté dans lequel se trouve la majeure partie des Burundais ne permet pas une telle contribution. Il demande qu'au cas où la nécessité se ferait sentir, de rehausser dans le budget de 2018 l'enveloppe réservée aux élections. Agathon Rwasa au téléphone avec Charles Makoto. C'est un sujet qui vient très mal à propos, d'autant plus que la loi budgétaire 2017 prévoit une provision de 6 milliards 200 millions pour les élections de 2020. D'abord, on devrait être réaliste, la flambée des prix n'est pas allée parallèlement avec l'augmentation des revenus ou des salaires. Comment alors les mêmes contribuables qui paient les taxes, qui paient les impôts pour financer le budget de l'État, on leur donne encore une autre charge supplémentaire de cotiser? Et puis cotisation, c'est quand même volontaire tout d'abord. C'est peut-être, si on voudrait enflouer cette fourchette-là, c'est peut-être sensibiliser ceux qui peuvent. Ils peuvent contribuer, mais ça ne doit pas avoir un caractère obligatoire ou coercitif. Honorable Agathon Rwasa, ce qui pense que le budget prévu ne pourrait pas permettre la réalisation des objectifs des élections, est-ce que ce ne serait pas fondé? Non, ça ne serait pas fondé, parce qu'en ce moment-là, la démarche n'est pas celle d'introduire de nouvelles lois. C'est plutôt procéder comme cela est disposé dans les démarches budgétaires, c'est procéder à une révision budgétaire en cours de route. Et on ne peut pas juste réviser le budget national uniquement pour des élections de 2020, alors qu'on est à peine en 2017. Tout ce que l'on pourrait faire, si on estime que les prévisions ne pourraient pas remplir la tâche, ça serait plutôt de penser à majorer la rubrique destinée à la préparation de ces élections-là dans les budgets à venir. C'était Agathon Rwasa, président de la coalition Amizero ya Barundi. Isanganiro, la radio de l'avenir. Éducation à présent, le directeur provincial de l'enseignement à Mérite Bujumbura a déclaré que les écoles d'excellence passent de deux à une seule, c'est-à-dire que seul le lycée Ngagara est une école d'excellence, tandis que le lycée Saint-Marc redevient une école publique simple. Suivez Patrice Touhawinimane. Ici à Mérite Bujumbura, nous avions deux écoles d'excellence. Il y avait le lycée Ngagara et le lycée Saint-Marc. Mais cette fois-ci, l'école d'excellence restera seulement le lycée Ngagara. C'est-à-dire que tout élève qui n'appartient pas à ces écoles d'excellence va être déplacé dans d'autres lycées à régime d'internat, comme le lycée Gisenyi, et d'autres vont occuper aussi les places qui abritaient les élèves excellents au lycée Saint-Marc. Ces élèves aussi vont procéder à observer, à voir les orientations de la direction communale de l'enseignement nommée à 9h. Sachez aussi que la section pédagogique du lycée Ngagara passe au lycée Skeppers de Nyakawiga. Le directeur provincial de l'enseignement à Mérite Bujumbura a dit que l'on cherche encore ou réorienter les élèves de la classe de première scientifique A du lycée Ngagara. Sachez aussi que les élèves lauréats des 6e années à mairie de Bujumbura peuvent consulter les affichages de leurs orientations aux directions communales de l'enseignement dès cet après-midi, mercredi. Et c'est le directeur provincial de l'enseignement à mairie de Bujumbura, Patrice Toawonimana, qui l'a annoncé en précisant en outre que ceux de 9e année connaîtront leur orientation demain à 9h. Il a également dit que les recours écrits, donc par des lettres écrites, seront reçus à la direction provinciale de l'enseignement et seront analysés lundi. Et le porte-parole du ministère de la Santé, Dr Tade Ndikumana, est revenu dans un point de presse ce matin sur les frais du jury qui ont été payés par les écoles en plus de l'argent dispensé par l'État. Il a expliqué qu'il s'agit d'un manquement qui sera corrigé pour la prochaine année scolaire. Il a aussi appelé les directeurs des écoles qui ont exigé aux élèves de payer une somme d'argent pour retirer les diplômes, de remettre aux parents l'argent perçu indûment. Les frais qui sont prélevés à la fin de l'année, communément appelés frais de jury. Il est vrai que cela a été constaté, mais dans le sens d'éviter les tricheries et aussi dans le sens d'améliorer la qualité, il y a l'examen qui est dispensé à la fin du cycle et cela est fait par le jury qui est nommé par le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida. Mais aussi, l'État a prévu, je dirais, une motivation de 150 000 selon les moyens que l'État dispose. Alors, il s'avère qu'il y a des écoles qui, en plus de cela, cherche à motiver davantage ou à faciliter les activités liées au jury et demande de l'argent de plus par rapport à ce qui est dispensé par l'État. C'est un manquement qui a été constaté et je voudrais signaler que d'ici l'année prochaine, cette question sera vidée parce qu'il y aura des réunions de concertation pour voir, puisqu'il y a des écoles où on trouve qu'il y a plus d'élèves et ça demande plus de temps aux membres du jury pour pouvoir dispenser collectivement les travaux de fin d'études et cela ne pourra pas se répéter l'année prochaine. Et je profite de l'occasion aussi pour soulever un autre manquement, je dirais grave, lié au prélèvement des frais intitulé « Frais de retrait de diplôme ». Alors là, il n'y a pas d'équivoque, c'est indûment perçu, ce montant-là. Alors j'interpelle les responsables des écoles concernées de remettre cette somme aux parents et aussi de procéder à la remise des diplômes pour les élèves qui avaient refusé de payer cette somme indue. C'était le porte-parole du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, Dr Tade Ndikumana. Et certains commerçants et consommateurs des produits Braroudi disent avoir des difficultés pour s'en approvisionner, surtout pour l'Amstel, 65 centilitres. Des détenteurs de bistrots en zone Gagara au nord de la capitale Bujumbura, ceux qui se sont exprimés au micro de la radio Isanganiro, font savoir que même la Primus, 72 centilitres, n'est pas non plus disponible. C'est le reportage de Lydia Gahimbare, stagiaire à notre station. Selon les consommateurs des produits Braroudi dans la zone d'Ongagara, l'Amstel grande bouteille est devenue une denrée rare dans les bistrots. J'ai des inquiétudes à cause de la pénurie des boissons de la Braroudi, surtout l'Amstel grande bouteille. Mais je suis sûr que les boissons sont disponibles. Nous savons que la Braroudi continue à fonctionner et cela justifie que les boissons ne peuvent pas manquer. J'ai entendu que la Amstel est servie à l'intérieur du pays, mais je ne comprends pas pourquoi, car les habitants de l'intérieur n'ont pas beaucoup d'argent, plus que les gens de la ville. À cette pénurie de la Amstel Grande Bouteille s'ajoute le Primus Grande Bouteille qui commence à disparaître dans les différents dépôts selon les commerçants. Tous affirment que la Amstel Grande Bouteille n'est pas disponible dans les dépôts depuis plus d'un mois. La Amstel Grande Bouteille n'est pas disponible depuis longtemps. Même le Primus Grande Bouteille que nous servons habituellement n'est pas disponible pour le moment. Nous pensons que la Braroudi a fermé ses Je dépense 1500 francs de plus pour le vélo. Je dois récupérer d'abord mon argent que j'ai dépensé. Le prix d'un casier est majoré de 100 francs à 200 voire 300 francs. Je dois donc ajouter cette somme à la bouteille. Ces commerçants demandent à la Braroudi de résoudre leur problème car ils affirment enregistrer de grandes pertes. Les gestionnaires de certains dépôts visités affirment qu'ils ont des difficultés à s'approvisionner en boissons de la Braroudi. Certains affirment qu'ils viennent de passer près d'une semaine sans avoir toutes les boissons de la bière Primus Grande Bouteille.